Si comme chaque jour, histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Cette semaine, un président inattendu. La seule chose qui marche au Pérou, c'est Sentier Lumineux et l'armée. Ce qu'il faudrait, c'est une mobilisation mondiale. Et puis, malheureusement, on peut dire que la guerre du Golfe a occulté un peu cette épidémie gravissime de choléra qui a lieu en Amérique latine. D'un Sentier Lumineux à une démission obscure, le Pérou, un pays en péril. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le petit chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines, avec 1% des intentions de vote. Le péruvien, c'était comme le champagne, ça fait beaucoup de boules, mais après ça se calme. Bonjour. Quatrième journée consacrée au Pérou, le Pérou d'Alberto Fujimori, ce président arrivé de nulle part, qui par deux fois va coiffer des personnalités internationalement reconnues sur le poteau au moment des élections présidentielles. La première fois, ce sera en 1990, nous l'avons évoqué hier, quand il bat Mario Vargas Llosa, le célèbre romancier. Et la deuxième, en 1995, il bat cette fois Pérez de Cuellar, l'homme des Nations Unies, connu lui aussi sur la scène politique internationale. Il est vrai que, sous le gouvernement Fujimori, l'arrestation du chef du Sentier Lumineux, Abimael Guzman, a considérablement rassuré les populations, mais il n'empêche, les sondages le prouvent, entre 1992 et 1995, la cote de popularité du petit chinois, c'est son surnom, baisse à vue d'œil. Et ce, d'autant plus que concernant les ressources du peuple péruvien, rien ne semble devoir avancer. La misère, le chômage, les maladies sont plus présentes que jamais. Dans la rue, on ironise sur la situation en disant que depuis que Fujimori est arrivé au pouvoir, il n'y a que deux choses qui fonctionnent au Pérou, le Sentier Lumineux et l'armée. Le Sentier Lumineux paraît éradiqué, l'armée est entièrement sous la coupe du gouvernement, aucune junte ne semble prête à envahir les rues pour renverser le pouvoir comme au cours des précédents gouvernements. Alors quelle est la situation et le moral des Péruviens ? En 1993, la radio romande a voulu comprendre un peu mieux l'Amérique latine et a réalisé une série de 5 émissions. 5 portraits de pays d'une Amérique latine entre crise et mutation. Chapitre 1. Tempérament latin. Dans les années 80, la plus grande partie des pays latino-américains mettent fin de manière plus ou moins harmonieuse à une longue période de gouvernement de dictature militaire. Tout au long de ces années, la redémocratisation de ces sociétés latino-américaines s'avère délicate, avec des soubresauts divers et une plongée brutale dans une crise économique dont on ne voit pas la fin. Au début de l'année 90, les États politiques aux commandes tout au long de cette décennie sont discrédités. Le doute s'empare des simples citoyens qui essaient d'imaginer le futur du sous-continent. Quelques chefs d'État atypiques sont alors plébiscités. Ces chefs d'État proposent des solutions miracles, pimentées de discours démagogiques. En Argentine, au Brésil, au Nicaragua, ces présidents miracles entament avec plus ou moins de bonheur et surtout plus ou moins de longueur leur mandat. Fujimori se distingue des autres dès 1992 en pratiquant une nouvelle forme de coup d'État, en dissolvant, nous l'avons vu hier, le Parlement et en concentrant tout le pouvoir entre ses mains. Chapitre 2. Après la théorie, la pratique, s'il vous plaît. La pratique. 1993, quelques mois ont passé depuis l'arrestation d'Abimael Guzman. Jean-Jacques Fontaine s'est rendu à Ayacucho, cette petite ville située à 600 km au sud-est de Lima. C'est là-bas qu'est née dans les années 60 la Fédération étudiante révolutionnaire sur le Sentier Lumineux de Mariátegui, qui allait devenir plus tard Sendero Luminoso, le Sentier Lumineux. Jusqu'à présent, la société péruvienne paraissait frappée de paralysie face au phénomène du Sentier Lumineux. Et puis voilà que le président Alberto Fujimori remporte des succès retentissants contre ce mouvement subversif. Arrestation de son chef charismatique, Abimael Guzman, qui vit dans la clandestinité depuis 10 ans et qui avait toujours échappé à toutes les polices. Démantèlement de la direction politique du Sentier Lumineux. Organisation d'un système de délation à vaste échelle, à travers le pardon aux terroristes repentis qui dénoncent leurs camarades. Distribution d'armes aux paysans pour rétablir la sécurité dans les campagnes. Des mesures apparemment spectaculaires dont je suis allé constater les effets à Ayacucho, une bourgade des Andes où naquit le Sentier Lumineux. À Ayacucho, j'ai rencontré Carlos Loaizo, responsable d'une organisation non gouvernementale d'aide aux paysans de la région. Depuis la capture d'Abimael Guzman, l'ambiance a changé à Ayacucho. Les gens sortent de nouveau. Ils recommencent à organiser des fêtes, il y a des cabarets, des lieux de spectacle qui fonctionnent à nouveau. Il y a plus de monde aussi aux fêtes religieuses. Cela veut dire que Sendero est vaincu? Sendero semble avoir reçu un coup très dur. Cela veut vraiment dire que Sendero ne peut pas se récupérer? Il va falloir du temps pour qu'il se récupère. Mais c'est vrai que le calme qui règne ici préoccupe. On ne sait pas quelle va être la riposte de Sendero. Est-il en train de réorganiser ses forces? Va-t-il redéfinir son rôle? De toute façon, ce ne sera plus comme avant. Dans son ouvrage intitulé « Des Incas au sentier lumineux, l'histoire violente du Pérou », Claude Auroy note ceci. Ouvrez les guillemets. En cette fin de XXe siècle, le Pérou est entré dans une phase convulsive de son histoire. Le pays est en état de guerre civile, plongé dans un marasme économique, donnant l'impression de pratiquer une forme d'autodestruction. Cependant, ces événements ne sont sans doute que les épiphénomènes de tendances plus profondes, ancrés dans l'histoire collective. Ils sont très anciens. Un des dénominateurs communs de tous les bouleversements historiques du Pérou réside dans la violence entre les groupes sociaux et surtout entre groupes de cultures différentes. C'est là une constante et les affrontements d'aujourd'hui se situent dans un prolongement, non dans une rupture. Les formes seules ont évolué. Fermez les guillemets. Au cours de son voyage au Pérou, Jean-Jacques Fontaine a rencontré Enrique Bernales, professeur à l'Université catholique de Lima et rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour les questions de terrorisme. Il évoque à présent cette question de la violence au Pérou. La violence politique dans mon pays, c'est un sujet dans lequel je travaille depuis 5 ans. J'ai tous les chiffres, toutes les données statistiques que vous voulez pour faire des études comparées sur ce qui se passe au Pérou depuis 1980. La seule différence entre la période Fujimori et les périodes précédentes, c'est que Fujimori a renforcé la militarisation du pays dans 2 ans et demi, que c'est la période du gouvernement du président Fujimori. Il y a une moyenne de 9 personnes mortes par jour, tandis que dans la période du président Garcia, la moyenne était 5. Et aux premières années, pendant le gouvernement du président Balaunde, la moyenne était 4. C'est-à-dire que nous pouvons parler maintenant de 2 choses terribles pour nous les Péruviens. D'un côté, une espèce de progression géométrique dans le développement de la violence politique armée. Et de l'autre côté, une insistance affreuse dans la militarisation comme la seule réponse de l'État pour combattre les groupes armés et surtout Sendero Luminoso. Mais tout de même, le président Fujimori a réussi à faire arrêter Abimael Guzman. On dit même qu'il a décapité toute la direction politique de Sendero Luminoso. Ce sont quand même des faits. Permettez-moi de vous dire que les jours qui a été capturé Abimael Guzman, le président de la République ne savait rien. Il n'était pas à Lima. Il faisait de la pêche dans les rivières de l'Amazonie péruvienne. il est rentré à Lima pour dire au monde entier, c'est à moi le triomphe. Et c'est pas vrai. Une des choses qu'a fait le président Fujimori, c'est d'autoriser les rondas, c'est-à-dire le fait que la population puisse s'armer pour se défendre contre le terrorisme. C'est pas très exact cela. Les rondas ont commencé à agir autorisées par la loi en 1987. Et j'ai l'autorité de vous dire cela parce que je suis un des auteurs de la loi. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à une espèce de danger de prostitution des rondas qui sont employées par les forces armées comme forces d'avant-garde. Les rondes qui agissent dans leur territoire de comunidades pour empêcher l'entrée et les actions terroristes de colons senderistes. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est le sang de rondas, n'est-ce pas? Et une autre chose, c'est employer les rondas pour substituer les obligations de l'armée. Récupération d'une capture réalisée en fait par les services secrets, mais mauvaise gestion de la suite des événements, puisque désormais le Sentier Lumineux devient un groupe plus diffus, donc plus insaisissable, et ces rondas, ces rondes de citoyens, chargés d'assurer la protection des citoyens eux-mêmes, territoire d'autodéfense où tous les débordements sont plausibles. Le tableau dressé par Enrique Berlinès est-il si sombre que cela? Nous retrouvons Jean-Jacques Fontaine dans son enquête au Pérou. Les propos d'Enrique Bernales m'ont été confirmés à Simpapata, un petit village proche d'Ayacucho, où j'ai rencontré une ronda campesina en action. Nous, on opère dans cette zone pour combattre l'ennemi et débusquer les délinquants subversifs du Sentier Lumineux. Débusquer l'ennemi, n'est-ce pas une tâche de l'armée? Non, c'est la nôtre. Nous, on connaît mieux les gens. C'est une défense civile organisée à des fins militaires. Carlos Loaiza. Ils sont utilisés pour débusquer les senderistes. Alors c'est vrai, comme ça, ils ont réussi à couper les itinéraires qu'emprunte Sendero pour aller de la côte aux Andes et des Andes à l'Amazonie. Mais s'il y avait un plan stratégique anti-subversif qui laisse une autonomie aux organismes d'autodéfense villageois, le résultat aurait été meilleur. Je crois que serait distinct, serait différent le résultat. Se notent tendances. On remarque des tendances dans certains endroits où la défense civile tente à se transformer en un appareil d'autodéfense communautaire. Il y a même des villages où c'est la défense civile qui fait exécuter les décisions communales. Mais c'était qu'une tendance. Dans le reste des communautés paysannes, il y a une double organisation. D'un côté, les organes communautaires, de l'autre, la défense civile. Donc pour le moment, il n'y a pas de plan qui intègre l'autodéfense villageoise. On ne le remarque pas pour le moment. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de l'initiative de chacun des responsables militaires. Il y a des chefs militaires qui connaissent très bien les communautés paysannes, d'autres qui les ignorent. Donc, dans la manière d'agir, c'est différent. Mais il n'y a pas une stratégie antisubversive d'ensemble, non. Mais le fait que des groupes paramilitaires armés se multiplient au nom de l'autodéfense, n'est-ce pas préoccupant? On ne sait pas quel sera le futur de la défense civile, le jour où, supposons, la subversion aura été liquidée. On peut imaginer que les communautés paysannes utilisent leur expérience des armes pour défendre leurs revendications propres. Ça peut arriver. Dans ce Pérou au bord permanent de la rupture, un autre foyer menace. Moins dangereux sans doute que le Sentier Lumineux, mais capable d'actions tout aussi importantes. Rendez-vous dans quelques instants avec le Tupac Amaru. Miki González est l'un des premiers artistes péruviens à mélanger la musique traditionnelle andine avec le rock, apparemment très populaire là-bas. Il chante Hoja Verde, feuille verte. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivine la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivine la suerte, si esta muchacha me quiere. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta. Caro cuesta, poco dura. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Hoja verde de la coca, blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Con las cosas que suceden, yo me caso con quien viene. Andan contando, andan diciendo, todo el mundo va repitiendo, que cuando me doy la vuelta, mierda estás haciendo. Esos tus labios mentirosos que andan vagando por el mundo, que nos sigan engañando a todo el mundo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte. Chapitre 3. Enquête sur des citoyens au-dessous de tout soupçon. Moins connu que Sentier Lumineux, le MRTA, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, est apparu également plus tardivement, en 1984, sur la scène de la violence. Et c'est à Lima qu'il a émergé principalement. Comme son nom l'indique, le MRTA se veut l'héritier de Tupac Amaru et revendique par là une origine andine et en partie indienne. Il s'agit là cependant d'un mouvement très urbain, venant des classes intellectuelles de Lima et non des actions en province. L'origine du mouvement remonte à 1976 lorsqu'un groupe de civils et de militaires velasquistes crée une organisation appelée la Orga chargée de fomenter un coup d'état contre le gouvernement d'alors présidé par il signor Bermudez dont nous avons eu le plaisir de faire la connaissance au cours de la semaine. La tentative échoue, caramba, mais il en résulte en 1979 la création du Parti Socialiste Révolutionnaire d'où émerge Tupac Amaru. Les rapports entre le Tupac Amaru et Sentier Lumineux sont des plus médiocres et les affrontements armés, nombreux, accréditent le climat de guerre civile. Jusque-là, le MRTA a agi de manière plus propre que Sentier Lumineux. Aux meurtres sans discrimination, il préfère les attentats dirigés contre des bâtiments publics ou encore des ambassades. Chapitre 4. Crazy birthday to you. Le 17 décembre 1996, c'est l'anniversaire de l'empereur du Japon Akihito. À Lima, l'ambassadeur nippon donne une réception accueillant près de 300 invités. Au dernier moment, le président Fujimori, invité à la réception, a décliné l'invitation. Au cours de la soirée, un commando fait irruption et prend en otage les 500 personnes présentes dans le bâtiment. Les guérilleros, environ une vingtaine, réclament la remise en liberté de 500 de leurs partisans, à commencer par leur chef, Victor Poray, alias Rolando. Ils veulent négocier directement avec Fujimori. Bien vite, Maine Capitale, dont Madrid, Bonn, Washington, Paris et Varsovie, appellent les autorités péruviennes à traiter avec prudence cette prise d'otage. Au Pérou, les guerrilleros d'extrême gauche ont libéré cette nuit 6 otages supplémentaires, dont 3 ambassadeurs. Depuis plus de 24 heures, ces extrémistes détiennent, selon le CICR, entre 350 et 400 personnes dans la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Les libérations de la nuit sont destinées à établir un contact avec le gouvernement. Les preneurs d'otages exigent la libération de 500 membres du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, actuellement emprisonné. Un groupe de femmes a déjà été libéré hier, parmi elles une amie de Richard Bauer, correspondant de la NZZ à Lima. Le témoignage de ce journaliste est recueilli par Jean Depreux. Ce qu'elle m'a raconté, c'est surtout qu'au début, on ne savait absolument pas ce qui se passait. Tout le monde devait se jeter sur le gazon du parc de l'ambassade. Et puis, il y avait des balles qui croisaient entre les guerrilleros et la police. Puis la police a lancé des gaz lacrymogènes. Mon amie, elle a pu parler avec le chef du groupe. C'est un groupe qui tue facilement et qui n'hésite pas, pour atteindre ses objectifs, de faire des actes de barbarisme. Dans quelles conditions s'est déroulée la libération du groupe de femmes qui a pu quitter l'ambassade? Le délégué du comité international de la Croix-Rouge, qui se trouvait aussi parmi les invités, il a suggéré aux rebelles de libérer immédiatement les femmes et les gens d'âge. Les rebelles ont suivi ce conseil et ont libéré immédiatement ce groupe. Cette prise d'otages gigantesque, autant par le nombre de personnes retenues que par leur importance, 15 ambassadeurs, une vingtaine de diplomates, provoque d'impressionnants effectifs de police et bien sûr la présence de tous les médias. Une chaîne de télévision américaine a loué à prix prohibitif un appartement dont les fenêtres donnent directement sur l'ambassade et y a installé son QG. Situation toujours bloquée à Lima au Pérou. Les guerrilleros du mouvement Tupac Amaru retiennent toujours en otage entre 300 et 400 personnes dans les murs de l'ambassade du Japon. Le Japon qui vient d'envoyer un émissaire spécial pour tenter de résoudre la crise. Les guerrilleros réclament toujours la libération de 500 de leurs membres détenus dans les prisons péruviennes. Parmi eux, le fondateur du mouvement, Victor Polécampos. Sa femme, Rosa, est actuellement réfugiée politique en France. Nos confrères de Radio France ont pu la rencontrer dans son domicile de Nantes. Elle ne cache ni sa crainte, ni sa surprise. Je ne m'imaginais pas les choses que j'ai vues, et maintenant même je ne réalise pas. Pour moi, ça a été la surprise. Je ne sais pas plus que vous par rapport à les informations. J'ai le sentiment de vivre, d'être dans une situation d'angoisse, une situation de désespoir, de savoir quel sera le final, on ne sait pas. C'est un moment difficile à vivre, monsieur. Parce que pour moi, je pense que c'est la vie de beaucoup de personnes, mais surtout, je pense à la vie de mon mari, je pense à lui. Vous pensez qu'on puisse obtenir la libération de votre mari par le biais de ce type d'action? Je ne pourrais rien le dire, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça, parce que pour moi, ça devient, des fois, tout s'est fait très grave et très douloureux, très, très pénible à vivre. Il est possible que cette affaire se retourne contre votre époux? Peut-être, je pense aussi. C'est à présent au tour de Bill Clinton de proposer sa coopération. Puis le gouvernement britannique dépêche sur place un bataillon d'experts afin de renforcer l'équipe de son ambassade à Lima. 4 jours plus tard, les choses se détendent enfin. C'est la dernière concession. C'est ainsi que les guerrilleros du Tupac Amaru ont présenté la libération, c'était la nuit dernière, de 225 otages de l'ambassade du Japon à Lima. Des guerrilleros qui détiennent encore 140 prisonniers. À Tokyo, on se déclare pessimiste, estimant que cette libération permet ainsi aux guerrilleros de mieux contrôler leurs otages. Des guerrilleros très bien organisés, déterminés. Selon l'ambassadeur d'Autriche, libéré la nuit dernière, les terroristes portent une ceinture munie de 15 kilos d'explosifs reliés à un petit anneau. Mais ce dernier geste des guerrilleros, cette nouvelle libération d'otages, est-ce qu'il est en mesure de leur apporter un soutien de la part de la population locale? C'est la question posée par Pierre Bavaud à notre correspondant sur place, Eric Sanson. Non, je crois que la réaction générale est de condamnation. Cela dit, c'est vrai que la multiplication des témoignages des otages relâchés disant qu'ils étaient bien traités, que les membres du Tupac Amaru étaient polis, a créé, disons, non pas un mouvement d'adhésion, mais bon, c'est vrai que les gens se disent, oui, ça n'est pas le sentier lumineux, ils ne sont pas si méchants que cela. Mais cela dit, transformer ce mouvement en adhésion, non, les gens condamnent, c'est une prise d'otage. C'est un mouvement terroriste que les gens croyaient disparu. Les gens ont beaucoup souffert au Pérou pendant 16 ans de guerre civile. Donc il n'y a pas de sympathie. Cela dit, les gens sont quand même à 95% en faveur d'une solution pacifique. Mais qui, en cette fin d'année 1996, pourrait imaginer que la prise d'otage à l'ambassade du Japon au Pérou puisse à ce point s'éterniser ? Et cet étirement du temps, cette attente dilatée, est-elle ou non porteuse d'espoir ? À Bonn, en Allemagne, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré « La situation est grave, ce n'est pas un quelconque fait divers qui se terminera par un happy end ». 4 mois plus tard, le 23 avril 1997, les faits lui donnent raison. Lima, hier après-midi, 15h30, 22h30 chez nous, 140 membres de la force spéciale péruvienne prennent d'assaut la résidence de l'ambassadeur du Japon, où 72 otages sont retenus depuis 4 mois par une vingtaine de militants du mouvement Tupac Amaru. L'opération est appelée Chavin Dewantar, du nom d'un culte pré-inca. L'ordre est directement donné par le président Fujimori. Les forces spéciales ont utilisé un tunnel pour pénétrer à l'intérieur de la résidence. Un premier bilan fait état d'un mort parmi les otages, 2 parmi les forces péruviennes. Quant au commando du Tupac Amaru, il n'en resterait aucun survivant. C'est la fin de l'une des plus longues prises d'otages de l'histoire. Il n'y aura pas eu de quartier pour les preneurs d'otages. Une opération qui va diviser l'opinion entre soulagement et vive protestation pour l'option violente prise par le responsable de Chavin Dewantar. Mais derrière ce succès apparent, une part d'ombre plane, dont un personnage tient un grand nombre de clés, un certain Vladimiro Montesinos. Demain, avec le réalisateur Antonio Wagner, auteur du film « Le dictateur et son double », nous évoquerons ce personnage trouble. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h. Dis-moi que si tu as son...